إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن في سيرة السلف الصالحين قدوة لنا وعبر ونتكلم اليوم عن قصة الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه يقول الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين يروي هذا الحديث عن البخاري ومسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي وقال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر إن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا مفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان وقال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والذلال وأنا إليها أسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقد شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى فلم يزل يتمادى بي حتى استمر للناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا والمسلمون معه، ولم أقد جهازي شيئا. ثم غدوت فراجعت ولم أقد شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لا أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائره من الله تعالى. حتى جئت، فلما سلمت تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ قال: تكن قد ابتعت ظهرك. قال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أني إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. صار رجل من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان يكفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقياه معك رجلان. قال مثل ما قلت؟ قالا مثل ما قلت. وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا يعني عن الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. ولبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت الجدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي فتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فاتفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان يعني النصارى يعني، وكنت كاتبا يعني كنت أقرأ، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإني قد بلغنا أن صاحبك يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها هذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 استلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله إذا استأذنته وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال الذي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صاحفني وهنأني: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن أهداني بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فقال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك فقال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه وهذا الحديث هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وهي قصة عظيمة ومليئة بالفوائد العظيمة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله كني الله Et sachez que dans les exemples et dans les vies de nos nobles et pieux prédécesseurs, il y a des exemples et des modèles à suivre pour nous. Et il y a un exemple, par exemple, dans le Sahabi, qu'est-ce qui est arrivé au Sahabi qu'on appelle Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, qui s'était absenté de participer à une des expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti à Tabouk. Et lorsqu'il est revenu, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, beaucoup d'entre ceux qui étaient restés derrière sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser et demander pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés partir et les a demandé pardon pour eux. Mais trois d'entre eux sont restés francs et véridiques et ils ont admis qu'ils étaient restés derrière sans excuse. Et pendant 50 nuits, 50 jours, personne ne leur adressait la parole jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la repentance. Et Ka'b nous raconte son histoire. Et donc je vais vous lire le hadith du prophète de l'histoire de Ka'b ibn Malik. Inch'Allah. Donc le sahabi Ka'b, il dit il dit, j'ai entendu, c'est Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, le fils de Ka'b ibn Malik, il dit, j'ai entendu Ka'b ibn Malik raconter sa fameuse histoire lorsqu'il faut s'accompagner au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'expédition de Tabouk. Ka'b a dit, je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans aucune de ses campagnes, sauf celle de Tabouk. Cependant, je n'ai participé à la bataille de Badr. Et à ce moment, aucun de ceux qui s'en étaient absentés ne reçut de reproche pour cela. C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane de Quraysh, jusqu'à ce que Dieu exalté le mit en face avec l'ennemi, sans rendez-vous préalable. Et j'ai effectivement été témoin avec le messager d'Allah de la nuit de Aqaba où nous avions signé notre pacte sur la base de l'islam. Or, je ne donnerai pas tel honneur en échange de ma participation à la bataille de Badr, bien que les gens mentionnent plus souvent l'alliance de Al-Aqaba en question. Pour ce qui est de ma défection de l'expédition de Tabouk, je n'ai jamais été plus fort ni plus riche que lorsque j'y fis défaut. Par Dieu, je n'ai jamais possédé avant elle deux montures à la fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'entreprenait jamais une expédition sans faire semblant de se diriger vers une autre direction pour tromper les espions de l'ennemi, jusqu'à ce que vint le tour de cette expédition qu'il fit dans une période de très grande chaleur. Il se mit en route, donc, pour un long voyage, les confins de la Palestine. Dans un immense pays désertique et aride, et il devait en outre rencontrer un ennemi très nombreux. Aussi dit-il cette fois aux musulmans la vraie destination afin qu'ils prennent leurs dispositions en conséquence. Les musulmans étaient nombreux avec lui, mais aucun registre ne les mentionnait. Karb a dit, si bien que celui qui voulait déserter était presque sûr de passer inaperçu, à moins que Dieu ne fasse une révélation du Coran à son sujet. Donc le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entreprit cette expédition à un moment où les fruits étaient mûrs et où l'ombre était bien désirable. Or, j'étais l'homme le plus désireux de jouir de ces fruits et de cette ombre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'était équipé de même que les musulmans avec lui. Quant à moi, je sortis tous les matins pour m'équiper, mais je rentrais sans avoir rien fait, me disant à chaque fois que je pourrais le faire à l'heure que je voulais. Cette décision dura jusqu'à ce que les musulmans eussent redoublé d'efforts dans leurs préparatifs, et le lendemain matin, ils prirent le chemin de la guerre avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je n'avais pourtant rien préparé pour être des leurs. Je rentrais donc chez moi, cette fois encore, sans rien avoir fait, si bien qu'ils prirent sur moi une très grande avance. À un moment donné, j'ai voulu partir à leur trace, et combien j'aurais voulu l'avoir fait. Mais Dieu ne me prédestinait pas cet honneur. Chaque fois que je me mêlais aux gens après le départ du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je me voyais semblable à quelqu'un sur qui pesait lourdement une ombre d'hypocrisie, ou l'un de ces faibles que Dieu a exempté pour cause de maladie. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne cita pourtant pas mon nom jusqu'à son arrivée à Tabouk. Cependant qu'il était assis avec un nombre de gens, il dit par la suite, qu'a donc fait Ka'b ibn Malik? Quelqu'un de Bani Salam a dit, ô messager d'Allah, il a été sans doute retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité. Mu'adh ibn Jabal lui dit alors, quelle bien vilaine parole tu viens de proférer, ô messager d'Allah, nous n'avons jamais entendu dire à son sujet que du bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien. Sur ces entrefaites, apparut à l'horizon un homme vêtu de blanc s'avançant dans le mirage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, sois Abu Khaythama. Et ce fut effectivement Abu Khaythama al-Ansari, celui qui avait fait au monde une poignée de dattes ce qui lui a voulu les sobriquets des hypocrites. Ka'b ibn Malik dit, lorsque j'appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pris le chemin du retour de Tabouk, je fus envahi d'une grande tristesse, et je me mis à penser à quelque chose pour me disculper, en me disant en moi-même, quelle excuse va bien me sortir de sa colère. Je pris conseil en cela auprès de ma famille. Quand on m'a appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était désormais tout proche, toute mauvaise inspiration disparut de mon esprit, et je sus ainsi que rien ne pouvait me sauver de sa colère. Aussi ai-je décidé de choisir plutôt la voie de la sincérité. Le lendemain matin, il était de retour. Or, lorsqu'il rentrait d'un voyage, il réservait toujours sa première visite à la mosquée. Il fit deux rak'a de prière, puis il s'assit pour accueillir les gens. C'est alors que vinrent à lui ceux qui ne l'avaient pas suivi, qui n'étaient pas partis à la bataille. Et ils lui présentaient leurs excuses avec force et serment. Ils étaient à peu près 80. Il accepta leur état apparent et agréa leur allégeance et implora pour eux l'absolution divine, tout en laissant à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le soin de juger ce qu'ils cachaient en eux-mêmes. C'est alors que je vins. Quand je le saluais, il sourit de la façon de quelqu'un qui est en colère, puis me dit, viens ici. Je m'avançai et je m'assis près de lui. Et il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te joindre à nous? N'avais-tu pas acheté ta monture? Je dis, ô messager d'Allah, si je me trouvais maintenant devant un autre que toi, de tous les habitants de ce monde, j'aurais certainement jugé que je m'en sortirais par quelque excuse. D'autant plus que j'ai le don de la polémique de la parole. Mais par Allah, j'ai bien su que je te racontais aujourd'hui quelques mensonges pour te satisfaire. Si je te racontais un mensonge pour te satisfaire, Dieu ne serait pas loin de me frapper de sa colère. Et si je te disais la pure vérité qui pourrait te fâcher quelque peu contre moi, je pourrais espérer une conclusion heureuse de la part d'Allah. Par Dieu, je n'avais aucune excuse de rester derrière. Par Dieu, je n'avais jamais été aussi fort ni aussi riche que lorsque je t'ai fait défection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, voilà quelqu'un qui a parlé sincèrement. Debout, va-t'en de là, attendant que Dieu se prononce. Allah subhanahu wa ta'ala se prononce sur ton jugement. Des hommes de la tribu de Bani Salama sortirent à ma suite et me dirent, par Dieu, nous n'avons jamais appris sur toi, auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons jamais appris sur toi que tu avais commis un péché avant cela. Tu aurais pu t'excuser auprès du messager d'Allah, comme se sont excusés les autres déserteurs. Il t'aurait largement suffi auprès de Dieu que son messager priait pour ton absolution. Il dit, par Dieu, ils n'ont pas cessé de me faire des reproches jusqu'à ce que j'ai voulu retourner auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour revenir sur mes premières déclarations. Puis je leur dis, est-ce que d'autres sont dans mon cas? Il dit, oui, il y a deux hommes qui tinrent les mêmes propos que toi et qui obtinrent la même réponse. Je dis, qui sont-ils? Il dit, Murara ibn Rabi' al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Il dit, ils m'ont nommé là deux hommes vertueux qui avaient participé à la bataille de Badr et qui étaient dignes d'être pris en exemple. Lorsqu'on me cita ces deux hommes qui étaient dignes d'être pris en exemple, je m'en allais. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'avait averti entre-temps qu'on nous adresse la parole à tous les trois entre ceux qui avaient déserté, c'est-à-dire de ne pas nous adresser la parole. Et si les gens nous évitaient, ou il a dit, changèrent d'attitude envers nous, si bien que je ne reconnaissais plus la terre, car ce n'était plus celle que je connaissais. Nous restâmes dans cette situation 50 longues nuits. Quant à mes deux compagnons d'infortune, ils se résignèrent à leur sort, gardèrent leur maison et ne cessèrent pas de pleurer. Pour ma part, j'étais le plus jeune et le plus fort des trois. Je sortais pour prendre part à la prière avec les musulmans et je parcourais les marchés sans que personne ne m'adressât la parole. J'allais à chaque fois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je le saluais alors qu'il était assis après la prière. Je me demandais à moi-même s'il avait ou non remué les lèvres pour répondre à mon salut. Puis je me plaçais pour prier tout près de lui et je l'épiais furtivement. Quand je me plongeais dans ma prière, il me regardait et quand je me tournais vers lui, il détournait de moi son regard. Quand cette mise en quarantaine des musulmans dura trop longtemps pour moi, je n'ai pas hésité à passer au-dessus du mur de Abu Qatada qui était mon cousin et l'un des plus chers amis, un de mes plus chers amis, et je lui adressa le salut par Dieu. Par Allah, il ne m'a pas rendu le salam. Je lui dis, ô Abu Qatada, je te supplie par Dieu de me dire si tu sais que j'aime Allah et son messager. Il se tue. J'y reviens de nouveau, il se tue encore. J'insistais encore une fois et il me dit, Dieu et son messager sont plus à même de savoir. Et mes yeux débordèrent de larmes alors. Et je m'en allais et passais à nouveau par-dessus son mur, tandis que je déambulais dans les rues commerçantes de Médine. Voilà qu'un habitant de la Syrie, de ceux qui est venu avec du blé pour le vendre, criait, qui peut me dire où se trouve Ka'b ibn Malik? Les gens se mirent à me désigner jusqu'à ce qu'il vint à moi et me donna une lettre du roi Rassan, qui était un roi chrétien. Je savais alors lire, et je lus donc la lettre, et il y avait ceci. Or, donc, nous avons appris de ton compagnon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ton compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en froid avec toi, et Allah ne t'a pas placé dans une demeure d'humiliation et d'abandon. Rejoins-nous donc, et nous te consolerons de tes déboires. Je dis après sa lecture, voilà bien encore l'une de ces épreuves qui m'accablaient en ces moments. Et je me dirigeais avec la lettre vers le four à pain et je la brûlais jusqu'à ce qu'eussent passé 40 nuits. De la quarantaine. La révélation de Dieu tardait à venir pour me disculper. C'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour me dire: le messager de Dieu t'ordonne de ne plus approcher ta femme. Je lui dis: dis-moi, dois-je la répudier ou bien que dois-je faire? Il dit: non, mais isole-toi simplement d'elle et ne l'approche plus. Il envoya la même chose à mes deux compagnons. Je dis à ma femme, va chez ta famille et reste-y jusqu'à ce que Allah prononce son jugement dans cette affaire. La femme de Hilal ibn Umayya vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieillard perdu, n'ayant aucun domestique. Est-ce qu'il te répugne que je le serve? Il dit: non, mais qu'il ne t'approche surtout pas. Elle dit: par Dieu, il est incapable de quoi que ce soit. Par Dieu, il ne cesse de pleurer jusqu'à ce jour depuis cette triste affaire. Certains de nos parents me disent: pourquoi ne demandes-tu pas au messager d'Allah la permission de garder ta femme puisqu'il a autorisé à Hilal ibn Umayya à le servir? Je dis: je ne demanderai pas la permission de la garder, car je sais ce que dirait de moi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si je lui demandais cette permission alors que je suis jeune. Je restais ainsi 10 nuits, si bien que s'accomplir pour nous 50 nuits depuis qu'il a été interdit de nous adresser la parole. Puis je fis la prière de l'aube le lendemain et le lendemain des 50e nuit sur le toit de l'une de nos maisons, pendant que j'étais assis dans cet endroit et dans cet état, Dieu a parlé dans son livre jusqu'à ce qu'il fût senti à l'étroit de la terre malgré son ampleur. J'entendis tout à coup la voix de quelqu'un qui criait du haut du mont Salah, me disant aussi fort qu'il pouvait: « Ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle !» Je tombai aussitôt en prosternation, sachant que quelque chose de nouveau était venu me délivrer de ma situation oppressante. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait en effet annoncé, lors de la prière de l'aube, que Dieu avait enfin agréé notre repentir. Les gens concoururent vers nous pour nous porter la bonne nouvelle. Deux hommes partirent pour en informer mes deux compagnons et un troisième se lançait dans ma direction au galop de son cheval. Un autre homme de la tribu de Aslam courut vers moi et parvint. Avant l'arrivée du cheval sur le mont Salah, sa voix fut plus rapide que le cheval. Quand vint à moi celui dont j'avais entendu la voix annonciatrice de la bonne nouvelle, j'ôtai ma tunique et je l'en revêtis en récompense de sa bonne nouvelle. Par Dieu, je n'avais pas d'autre tunique que celle-là. Je dus en emprunter deux pour me couvrir moi-même. Et je partis alors en direction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant que les gens m'accueillaient en groupe, me félicitant de l'agrément de mon repentir et me disant: nous te félicitons pour l'agrément de Dieu, pour ton repentir. J'entrai finalement à la mosquée et voilà le messager de Dieu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était assis au milieu des gens. Il me serra la main et me félicita par Dieu, par Allah. Aucun autre des muhajirines, parmi les muhajirines, ne se leva à ma rencontre. Ka'b n'a jamais oublié ce que Talha a fait, cette marque d'amitié. Et Ka'b dit alors: lorsque j'eus salué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, le visage rayonnant de joie: réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Je dis: est-ce que cette faveur provient de toi, au messager d'Allah, ou est-ce d'Allah? Il dit: plutôt d'Allah, le Tout-Puissant. Or, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était content, son visage rayonnait de lumière, au point qu'il ressemblait à un morceau de lune éclatante. Et nous savions cela de lui. Une fois assis devant lui, je dis: ô messager d'Allah, pour prouver encore plus mon repentir, je voulais faire au monde une partie de mes biens pour Allah et son messager. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: garde une partie de tes biens pour toi-même. Cela est préférable pour toi. Je dis: je garde ma part du butin de Khaybar. Je dis en outre: ô messager d'Allah, Allah ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité. Et comme preuve de mon repentir, je ne dirai plus que la vérité tant que je vivrai. Par Allah, je n'ai jamais appris jusqu'à ce jour, aucun musulman n'a été mieux récompensé que moi par Allah pour sa sincérité depuis que j'ai dit cela au messager d'Allah. Et je souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala me préserve du mensonge pour le restant de ma vie. Il dit, Allah le Très-Haut fit descendre les versets suivants. Allah agrée le repentir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des muhajirines et des ansars qui l'ont suivi dans les heures difficiles jusqu'à ses paroles. Et il est certainement pour eux compatissant et miséricordieux. Il agréa aussi le repentir des trois qui étaient laissés de côté jusqu'au moment où la terre devint pour eux bien étroite malgré son ampleur, jusqu'à ce qu'il arrivât à ces mots, craignez pieusement Allah et soyez parmi les véridiques. Car dit, par Allah, je n'ai jamais reçu d'Allah une plus grande grâce depuis qu'il m'a guidé à l'islam que celle d'avoir été sincère avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de lui avoir dit, de ne lui avoir pas dit de mensonge. Sinon, j'aurais été perdu comme l'ont été ceux qui lui avaient menti. Allah subhanahu wa ta'ala avait en effet dit de ceux qui avaient menti quand il fit descendre la révélation. La plus mauvaise chose qu'il eût jamais dite de quelqu'un. Ils vous jureront par Dieu si vous êtes de retour parmi eux, afin que vous vous détourniez d'eux. Détournez-vous donc d'eux, car ce sont des êtres immondes et leur refuge est l'enfer en rétribution de leur forfait. Ils vous font des serments afin que vous leur accordiez votre satisfaction, et si vous leur accordez, Dieu n'accorde pas sa satisfaction à la jambe dévoyée. Alors Ka'b dit, quant à nous les trois, nous n'avons pas été du nombre de ceux qui avaient juré de leur sincérité au messager d'Allah, qui accepta leur excuse et leur allégeance et pria leur absolution. Il avait ainsi laissé notre cas en suspens jusqu'à ce que Dieu décida de nous. Et Allah dit alors, ce qui signifie, et il accepta le repentir des trois qui ont été laissés de côté. Et il voulait dire ainsi, non pas que nous avions été laissés en arrière de l'expédition, mais qu'on a été laissés de côté par rapport à ceux qui avaient faussement juré de leur innocence. Et donc ça c'est l'exemple de l'histoire de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. Je m'excuse d'avoir prolongé un peu la khutbah aujourd'hui, mais je voulais que tout le monde puisse profiter de cette histoire, autant ceux qui sont arabophones que ceux qui ne comprennent que le français. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه